On va parler de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Grosse nouvelle qui est survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Kawhi Leonard, qui est maintenant rendu un membre des Clippers de Los Angeles, il est accompagné par Paul George. On en parle avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pascal, la nouvelle est sortie vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. Écoute, pas vraiment surprenant. À quelque part, on espérait beaucoup, là, on espérait, mais... À quelque part, les Raptors savaient dans quoi ils s'embarquaient quand le 18 juillet, quand ils ont fait l'acquisition le 18 juillet dernier. Ben, comme tu l'as dit, on savait que c'était un emprunt, c'était une opportunité d'avoir un top 3 dans son équipe. Je pense que Masai Ujiri a fait exactement ce qu'il avait à faire. On l'a peut-être questionné au début, nouvel entraîneur, Kawhi Leonard, mais écoute, ça a donné un championnat. Et puis ça, c'est quelque chose qui sera jamais oublié. Tu sais, il y a quand même, c'est pas toutes les équipes de la NBA qui peuvent se dire qu'ils ont un championnat NBA, tu vois. Donc, Cleveland n'ont juste un. Et Toronto n'ont juste un aussi. Donc, on s'attendait à ça. Maintenant, c'est de voir ce que Toronto va pouvoir faire dans les prochains mois. Est-ce qu'on va faire des échanges? Et en passant, Danny, ça a pas assez proche d'être Paul George et Kawhi à Toronto. Ben oui, c'est sûr, on a su tout ça. Beaucoup de choses s'est développé dans les dernières minutes, puis on a vu que Kawhi était... Mais l'idée de Kawhi de retourner à Los Angeles a toujours été là. Ouais. Si Oklahoma City n'accepte pas l'échange, je pense que Kawhi, ça serait joint aux Lakers. OK. Mais je pense que Kawhi voulait avoir une opportunité de jouer avec Paul George, d'avoir sa propre équipe. Donc il y a eu ce qu'il voulait finalement. Mais il faut dire que les Raptors et Masai Ujiri ont refusé Pascal Siakam et 5 choix de première ronde, je pense. Oui, mais ça c'est une décision. Puis du côté des Thunder, là, attends-toi à voir. Ça va être difficile parce qu'il reste 4 ans et 170 millions à payer à Russell Westbrook. Ouais. Mais je te dis tout de suite, Danny, je ne serais pas surpris que Russell Westbrook, dans les prochaines semaines, soit échangé. On dit que les Rockets de Houston, ce matin, seraient intéressés. Miami est plus réaliste. Mais attends-toi, ça va probablement être une situation avec plusieurs équipes aussi. Là. Ouais. Mais attends-toi de voir Westbrook quitter. Il a quand même donné 11 ans à l'organisation. Et tu vois, Danny, c'est là que je trouve ça drôle parce que on critique les joueurs de nos jours de contrôler leur destinée. Parce que Westbrook a toujours été loyal envers Oklahoma City. Mais Oklahoma City, quand ils ont fait cet échange-là, ils n'ont pas appelé Russell Westbrook pour lui dire « Hey, on a décidé de recommencer à neuf. » Ils n'ont pas demandé son opinion. C'est pour ça que moi, souvent, je trouve que la société de nos jours, ce que les jeunes font, ce que les athlètes font de nos jours, en utilisant le système, ils sont capables de un peu décider qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout les top joueurs. Ben moi, ce que j'aime pas, Pascal, dans cette histoire-là, c'est que lui a demandé que Paul George s'en vienne. C'est sûr que c'est des top joueurs, tu vas me dire, qui font ça. Là. Mais ce que c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut le demander là, aussi. Là. Ouais, regarde, Kyrie Irving, il a demandé d'être échangé. T'en souviens? Oui. Paul George à Indiana a demandé d'être échangé. Oui. Maintenant, Paul George et Anthony Davis, ils ont mal été changés. Ils l'ont pas fait sur le moment. Ils l'ont fait plus tard. Quand tu as un joueur qui te demande d'être changé, tu sais déjà que la relation, elle est plus saine. On est d'accord avec ça? Ouais. Paul George a dit l'année passée qu'il était très à l'aise, très bien à Oklahoma City. Mais lui, il a eu une opportunité pour sa carrière. Oklahoma City, Danny aurait pu dire non. Mais ce que les Clippers pouvaient offrir, écoute, ils ont juste gagné quoi? Un match dans les séries cette année? Fait que si je me mets à la place de l'organisation d'Oklahoma City, je me dis, ça fait 11 ans que Russell Westbrook est là. On a tout fait de recommencer à aller. Mais je reviens sur Kawhi Leonard et les Raptors, ouais. Pascal. Quelque part, c'est un pari gagné pareil. Peu importe ce qui arrive, absolument. C'est un pari gagné pareil. Écoute, eux autres, c'était la finale. Puis on l'a dit toute l'année, s'ils se rendent en finale, qu'ils gagnent ou pas, ils vont gagner. Mais là, en plus, en bonnie, ils ont gagné. Ils savaient dans quoi qu'ils s'embarquaient. Et dès le départ, ça marchait plus à Toronto. Là, avec le groupe qu'il y avait là actuellement, ça marchait pas. Ils gagnaient pas. Donc, il fallait qu'ils fassent de quoi. Et ils ont réussi. Et peu importe ce qui arrive là, par la suite des choses. Là. Et c'est quand même une équipe, OG Adenobi qui va revenir. C'est intéressant de voir s'ils vont faire un échange pour pour quelqu'un, mais ça, c'est quand même une équipe qui est top 4, selon moi, en ce moment dans l'Est, là, sans Kawhi Leonard. Ben, le fish, c'est quoi? Le fish sans Kawhi Leonard, parce que Kawhi ne jouait pas. Il a manqué le deuxième 22 match, c'était quoi? C'était, je pense que c'était très positif, même oh, ça. Oui, non, c'est ça que je t'ai dit, c'est très positif, là. Ouais. C'est positif. Là. C'est, la différence, c'est que t'as pas les joueurs pour gagner un championnat. Par contre, puis le début de la saison, Danny, je pense qu'il va se passer plusieurs choses. Parce que Kyle Lowry, quelque part, n'est plus 33 ans. T'as également Mark Gasol, 35 ans. T'as bien beau dire, Pascal, que quelque part, l'équipe est... Tous les clubs en ce moment veulent Pascal Siakam. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour Gasol. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour Kyle Lowry. Il y a plus d'intérêt pour Van Fleet. Il y a plus d'intérêt pour Pascal Siakam. Ce sont les deux joueurs que les équipes aimeraient avoir. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais du côté de Toronto, je pense que Lowry, Gasol, il reste une année de contrat. Donc, c'est des joueurs intéressants d'être pour un échange. Parce que après leur saison, tu peux t'en débarrasser. Fait que moi, je m'attends à avoir des échanges avec les Raptors. Je pense pas que Kyle Lowry va finir la saison à Toronto. La saison ou le début de la saison? Où il va commencer le début de la saison? La saison. OK. Mark Gasol aussi. Mark Gasol a 34 ans. Il peut aider une équipe encore qui est aspirante au championnat. Oui, mais il est beaucoup plus difficile à bouger. À cause de son salaire? Oui, exactement. Kyle Lowry est encore très intéressant. OK. Parce que quelque part, ces équipes-là, puis ça va être l'équipe de Pascal Siakam maintenant. Est-ce que... Je regarde, on est allé chez Stanley Johnson. C'est un gars qui était le 8e choix en 2015. Est-ce que Stanley Johnson, écoute, 8 points, c'est sûr que c'est pas des chiffres extraordinaires. Par contre, les Raptors ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de développer des bons jeunes. Est-ce que Johnson pourrait aider? Il est rentré dans la NBA à 19 ans. Je l'ai vu en personne à Orlando dans la Ligue d'été quand j'étais avec Emmanuel Gundy et Piston Détroit. C'est tout un physique, ce gars-là. Tout un gabarit. Il a probablement l'opportunité de se développer avec Coach Nurse. Puis c'est un joueur qui est capable, selon moi, de faire 20 points par match dans la NBA. Okay. Ce serait intéressant de voir s'il peut devenir le joueur que les Pistons de Détroit, à l'époque, pensaient qu'il pouvait devenir. Okay. Parce qu'il est quand même encore jeune. Mo Thomas, lui qui a été investi en Europe, est-ce que c'est un... On n'en parle pas. On n'en parle pas? OK, c'est beau. Donc, ça va être intéressant de suivre vraiment ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec les Raptors de Toronto. Penses-tu sincèrement qu'on va y aller vers une reconstruction, sûrement? Tu viens de le dire, Kyle Lowry, Mark Gasol et ainsi de suite. Je pense qu'en ce moment, on est ouvert à tout, sauf à se débarrasser de Pascal Siakam. C'est ça qui a fait bloquer l'échange, d'ailleurs, avec Oklahoma City. OK. Qui est la meilleure équipe actuellement, les Lakers ou les Clippers? Je pense que les Clippers, par rapport au fait qu'ils ont presque les mêmes, ils ont perdu Gallinari puis Alexander, le Canadien qui était le meneur, mais ils ont toujours le core de l'équipe qu'il y avait avec Lou Williams qui a deux années consécutives le sixième homme de l'année, Montreal Harrell, fait que Patrick Beverley a signé un contrat de 2 ans 30 millions. Je pense que pour moi les Clippers donnerait un avantage aux Clippers en ce moment parce qu'on sait ce qu'ils peuvent donner. Là, on ajoute 2 joueurs défensifs. Je pense que la plus grosse différence, la plus grosse avec Paul George et Kawhi, la plus grosse différence du côté des Lakers, est-ce qu'on est quand même physiquement capable de jouer une aussi bonne défensive que les Clippers? Moi, je donne l'avantage aux Clippers en ce moment. OK. Mais ce serait intéressant de voir avec Anthony Davis. Je sais qu'on a signé Rondo. On a été chercher Quinn Cook qui était avec les Warriors. On a re-signé Javale McGee, donc défensivement c'est bon. On a Kyle Kuzma qui est de retour. Donc c'est quand même une équipe intéressante, mais je donnerais un petit avantage aux Clippers. Là. OK. Je reviens, excuse-moi, j'ai une question que j'avais oubliée sur les Raptors, Pascal. Est-ce que l'héritage de cette année-là, est-ce que c'est extraordinaire? C'est sûr que Kawhi est resté un an. On a vu tous les commentaires en fin de semaine que Kawhi, les gens le remerciaient au lieu de traiter d'à peu près tous les noms. Au départ, on le savait que Kawhi allait... Exact, on le savait, oui. On le savait dès le départ, donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. C'est un bon gentleman. Là. C'est pas quelqu'un que t'entendais parler de toutes sortes d'histoires. Kawhi, il vient jouer au basket, il fait son travail, puis il rentre chez... Oui, Pascal, ce que je voulais te dire avec Kawhi, c'est un gars qui est arrivé à Los Angeles, à Toronto, pardon, avec la bonne attitude. Ce gars-là aurait pu bouder, parce que rappelle-toi qu'il a dit aux Spurs, échangez-moi Los Angeles, à Los Angeles que vous allez. Puis il est allé, Los Angeles puis Toronto, on s'entend-tu pour dire qu'il y a une méchante différence, là? Puis Absolument. Kawhi, c'est vrai que les Raptors l'ont très bien traité, ils l'ont traité en roi, mais il aurait pu bouder quand même, puis il a livré la marchandise. On n'a rien à lui reprocher, là. Puis c'est pas, je pense pas qu'il y a rien contre Toronto, ce Kawhi, c'est qu'il voulait aller à Los Angeles, c'est tout. Ben, il voulait retourner jouer dans sa ville natale, numéro un. On sait qu'il n'aimait pas le froid vraiment. Ça, c'est la vérité. Mais à part ça, non, il est arrivé à Toronto. Il a fait ce qu'il avait à faire. Écoute, le gars était cherché un championnat pour la ville. On va avoir joué une saison, puis je serais pas surpris qu'on retire son chandail. Ah Tu oui, tu comprends? penses? Non, mais entre nous deux, Danny, pense-y, là. On va retirer le chandail de Carey Price, puis il nous a pas amené aucune Coupe Stanley. C'est un gars qui arrive dans une ville, Ouais, mais puis il t'amène un championnat. Regarde le classement de Carey Price, à quelque part. Carey Price, c'est le meilleur gardien de but. Il n'y en a pas. En chiffres, je te parle. Je suis d'accord avec toi que ce gars-là, à la Mais fin de l'année, sa carrière reste ça la a été même. une Coupe Stanley, exactement. Il Et n'a rien mon point dans gagné. ça, c'est que Kawhi a fait ce que personne n'a fait à Toronto, puis il a fait ce que personne n'a fait pour le Canada, puis il a vraiment, cette équipe-là, cette année, a mis le basketball sur la map au Canada, que ce soit au niveau des fans qui sont pas vraiment, qui suivaient pas vraiment ça, au niveau des médias qui sont vraiment embarqués, puis c'est comme s'ils découvraient quelque chose de nouveau, là, même si c'est pas nouveau. Mais Pascal, tu c'est m'arrives avec magnifique. je veux dire, mais quelque part, ce serait de mémoire, ce serait le premier athlète qu'on retire son chandail après seulement un an. Non, mais ça, c'est ce que moi, je pense qu'ils vont faire. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'ils vont le faire. OK. On sait qu'à Golden State, on a déjà annoncé qu'on retirait le chandail de Kevin Durant et Ouais. d'André Iguodala. Ben, Durant, il fait 3 ans. 3 ans, si je ne me trompe pas. Deux années back-to-back champion NBA, MVP, je veux dire. Kawhi, il a fait un an, il a amené un championnat. Je ne serais pas surpris, moi, que dans 20 ans, on ait son chandail dans une cérémonie pour Kawhi Leonard. Pascal, en terminant, deux petites choses. Greek Freak a vu son frère signer avec les Bucks de Milwaukee. Est-ce que c'est pour plaire à Greek Freak qu'on amène son frère ou c'est un gars qui peut jouer au basket? Honnêtement, là, il peut jouer au basket. Là. Il peut jouer au Mais basket? Il y a des bien meilleurs joueurs que lui. OK. Ça fait partie de pas vouloir le perdre. Ils ont donné un contrat de 2 ans, si je me trompe pas. Je te donne un exemple. Chris Boucher est probablement le meilleur. Thanasis, il est plus vieux que Giannis. Il a été drafté en deuxième ronde, je pense, en 2014 ou en 2012. Joue en Europe? Il jouait pour les Knicks. L'été des Knicks. Sa dernière année, je pense, en 2015 ou 2016, dans la Ligue de développement, il y a une moyenne de 10 points par match. Et cette année, à Panathinaikos, en Grèce, je pense qu'il tournait à 3. Il a quand même été dans le 5 partant, là. C'est un joueur défensif. C'est pas un excellent tireur de 3 points. Disons que c'est très, très dur pour moi de dire que tu fais pas la NBA si tu ne mérites pas, là. Mais c'est un exemple d'un joueur qui est dans la NBA en ce moment basé sur son frère. Et on veut rendre son frère heureux. On veut faire tout pour lui. Puis quand t'as 15, 15 places dans une équipe, c'est très bien que 13, 14, 15, c'est souvent des joueurs qui vont pas vraiment jouer. On le signe au salaire minimum. Parce que la façon que la NBA fonctionne maintenant, Danny, t'en as qui font beaucoup, beaucoup d'argent, t'en as qui font pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas une mauvaise situation pour plein de raisons, mais entre nous deux, ils l'ont pas signé pour le basket, ils l'ont signé pour plaire à son frère. Est-ce qu'il y en a un autre, je pensais? Ah, ils sont 5 frères, je pense. Ils sont 5 frères qui jouent au basket, je pensais? Il y en a un qui joue pour Dallas, il était avec Dallas cette année. OK. Est-ce que les Bucks vont essayer de le ramener aussi? Non, mais lui, le frère en dessous est meilleur que Tanis. OK. C'est ça, ouais, il est meilleur. OK. Et la Ligue d'été est commencée. Sais-tu, moi, c'est rendu de plus en plus gros, la Ligue d'été? Ben, les 30 équipes, je t'avais mentionné, les 30 Ouais. équipes sont dans la Ligue à Las Vegas. Oui. Donc, le monde basket en ce moment, Danny, est à Las Vegas. Quand je dis le monde basket, là, je te parle des directeurs généraux des équipes en Russie. Oui. En Turquie, en France, en Espagne, tout le monde est à Las Vegas en ce moment. OK. Parce que c'est le gros spectacle. Il y a des gymnases alentour de la Ligue d'été. Il y a des agents qui font des camps. La Ligue corrige un repêchage. Tout le monde est là-bas. Et Danny, je te suggérais, là, d'ici un an ou deux, là, tu devrais te planifier d'aller passer une semaine à Las Vegas. Tu capoterais. OK. C'est vraiment la période de tout le monde est là. OK. Mais dis-moi, parce que il me semble que c'est rendu de plus en plus gros. NBA TV diffuse des matchs, ESPN présente des matchs. Est-ce que le calibre est plus fort que la G-League? Mais c'est parce que la Ligue BT, Danny, c'est très simple. C'est ouais. C'est ceux qui ont été repêchés. C'est les joueurs plus que les joueurs de la G-League. Un, deux ou trois ans. C'est les joueurs que les équipes veulent voir. Il y a même l'équipe nationale de Chine qui est dans la, qui joue cette année. Ouais. Et il y a un autre pays, là, j'oublie, là. Il y a deux équipes. La Croatie. Ouais. La Croatie puis la Chine sont dans la Ligue d'été. Okay. Plus les 30 équipes NBA. Fait que c'est vraiment, là, tu veux voir vraiment qui fait quoi, tes recrues, tes repêchages, des joueurs qui ont joué cette année dans la NBA. C'est sûr qu'on disait que les Knicks seraient bons parce que c'est les Knicks qui jouent dans la G League, dans la Ligue d'été, c'est presque tous les joueurs qui ont joué cette année pour eux autres, dans la saison régulière. Mais c'est aussi une rencontre de directeur général, d'entraîneur. Tu cherches une job d'entraîneur, tu cherches une job de scout, tu t'en vas à Las Vegas, tout le monde est là-bas. OK. La planète basket est à Las Vegas pendant 2 semaines. OK. Donc, parce que c'est vraiment intéressant, là, tu sais, quelque part. Au niveau du calibre, au niveau du basket, c'est bien normal, ton avis. OK. C'est vraiment pour voir des choses, tu sais. C'est RG, il a pris une shot dans le match. Ben, il y a 10 points, puis c'est son premier match, c'est ça? Hier, il joue encore, hein? J'ai pas vu le résultat. Puis Zion, il a traîné son jeu avec une autre personne. Ben, on a vu que dernièrement, il s'est pas vraiment entraîné avec toutes les entrevues depuis le repêchage. Fait que, il a l'air un peu plus pesant. Fait que je pense qu'on a décidé de le reposer et de le mettre en forme. Je pense pas qu'il est vraiment. Ben, Pascal, il me reste que te remercier vraiment. C'est vraiment génial comme encore ta collaboration cette année. C'est extraordinaire. Et je pense que c'était une année vraiment exceptionnelle en fait de basket. Ça a été la meilleure année depuis 10 ans que tu collabores avec moi parce qu'évidemment, les Raptors ont gagné. Pour une fois, je pense qu'on a atteint ce que beaucoup de monde parlait à un moment donné. Tu sais, on l'a dit, il y a des gars qui ont dénoncé qu'on parlait pas assez de basket au Québec, c'est donc. Puis cette année, on a parlé de basket comme jamais on a parlé de basket. Ouais. Même au Québec, les médias n'ont pas eu le choix d'embarquer. Et en espérant que ça va faire des petits, puis encore une fois, bravo, puis merci pour ta contribution. C'est un peu plaisir, Danny, merci à toi, puis merci pour ton beau travail. Continue, je sais que c'est pas toujours facile ce que tu fais, mais je te félicite, puis je suis vraiment fier de faire partie de la famille. Ben, merci beaucoup, Pascal, on recommence à l'automne avec le programme. Encore ça, Danny, si tu veux, je ne me trompe pas, c'est le 8 août, deux matchs NCAA. Concordia joue contre Quinnipiac, McGill joue contre UCF, USF, University of South Florida, à la place Belle à Laval. OK. Il va y avoir quoi, 5 000 personnes pour ces matchs-là, à peu près? Il n'y aura pas 10 000, c'est sûr, mais ça doit être le fun sur l'expérience. C'est Concordia, McGill qui vont jouer un après l'autre. Les Raptors viennent-ils à Montréal cette année, après toi? Bonne question, je pourrais pas répondre à ça. J'espère que oui, je pense que ça serait une bonne idée pour les autres de venir. Effectivement, puis compte tenu de la folie que ça a faite, écoute, à Montréal, mais ça. Pascal, on s'en reparle bientôt. OK. Salut à toi, Pascal.